Salut Louis, est-ce que tu as anglais le mercredi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai un livre d'anglais pour Antoine et je pense qu'il est dans ta classe. Oui, il est dans ma classe. C'est un ami à moi. Je m'assieds à côté de lui. Voici son livre. Est-ce que tu aimes l'anglais? Oui, mais je préfère les maths. Notre professeur d'anglais est sévère, mais il est aussi juste. Il est drôle et c'est un bon professeur.